بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سنبدأ إن شاء الله اليوم، يعني نأخذ اليوم 26 27. نعم، c'est le 26e et le 27e. Donc comme je disais, le 26e, lui, rejoint dans le sens un peu le hadith précédent qui était relatif à la sadaqa, le genre de sadaqa qu'il pouvait y avoir. Que le mot sadaqa, nous avions dit que c'était quoi? Isalu al-khayri il est le ghayr, le fait de faire parvenir le bien à autrui. Donc là, ce hadith que nous allons prendre en début de cours est basé sur ce sens de genre de sadaqa qui peuvent être faites tous les jours par le serviteur, et pour démontrer que les voies menant au bien sont extrêmement nombreuses en islam, walillahil hamd, et que la sadaqa n'est pas restreinte au fait de donner de l'argent, car en cela, les personnes démunies et pauvres se verraient privées de ce mérite. Donc de là, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande miséricorde et sa grande grâce, a accordé que chacun puisse donner du sien en sadaqa, qu'il s'agisse du riche avec son argent, qu'il s'agisse du savant avec sa science, ou qu'il s'agisse du prédicateur qui retransmet cette science, ou qu'il s'agisse de celui qui a peu de science ou qui n'a pas d'argent par le bon comportement, par le zikr, et ainsi de suite. Naam. Chacun peut donner sa part de sadaqa. Tayyib. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس علي صدقة كل يوم تطلع في شمس صدقة تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل على دبته فتحمل عليها أو ترفع عليها متاعه أو متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذان الطريق صدقة. Donc il dit, selon l'imam al-Bukhari, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque articulation de l'homme, pour chaque articulation du corps de la personne, celle-ci est redevable d'une sadaqa chaque jour que le soleil se lève. Concilier entre deux personnes équitablement, cela est une sadaqa. Aider quelqu'un à se mettre sur sa monture ou lui mettre dessus ses affaires, cela est une sadaqa. Que la bonne parole est une sadaqa. Que chaque pas en allant accomplir la salat est une sadaqa. Et dégager un obstacle ou une incommodité de la voie est une sadaqa. Tout cela est une sadaqa. Donc le shir dit, Habizallahu ta'ala, Kouluhu kullu sulami minan nas, ay kullu aduwin minan nas alayhi sadaqatun, wal muradu biha sadaqatun tatawwa, kama fi hadith bizar, qal, fa'in lam af'al, qala tu'in sani'an, aw tasna'u li akhlaq, qala fa'in lam astati', qala takuf sharraka 'anil nas, fa'innaha sadaqatun minka. Donc il dit dans sa parole, Kulle Sulami, c'est-à-dire les membres. Il y a différentes interprétations pour le mot Sulami. Cela peut être les os. Il était dit qu'également cela était les articulations. Et d'autres ont dit les membres du corps. Et cela en guise de quoi? De remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le serviteur qui lui fait accorder ce genre de bienfaits. Hein, que tu puisses te déplacer, que tu puisses bouger, tous ces bienfaits qui sont souvent, qui passent souvent inaperçus pour nous, qui peuvent paraître comme étant normaux, cela est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, que de pouvoir bouger, se déplacer, porter, et ainsi de suite. Donc, ces articulations sont redevables d'une sadaqa, hein, comme il dit, ou comme plutôt d'autres savants ont dit dans leurs explications. Et là, lui, Shi a dit que le sens voulu par là, c'est la sadaqa surérogatoire, nafila, tatawwa, comme on dit. Comme le prouve le hadith d'Abu Dhar, lorsqu'il dit, après qu'il interrogeait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la meilleure des sadaqas, il lui cita plusieurs exemples, et ensuite, à chaque fois, il disait, et si je ne peux pas, et si je ne peux pas, et si je ne peux pas, au point d'arriver à un stade. D'accord? Pour savoir quelle est la limite de la sadaqa, quelle est la meilleure ou quelle est la moindre, la plus basse. Donc il dit, فَإِنَّمْ أَفْعَلْ قَالَ تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِي أَخْلَاقَ قَالَ فَإِنَّمَا أَسْتَطِيعُ قَالَ تَكُفْ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَيْكَ وَلَا نَفْسِكَ. Donc il dit, donc si je ne peux pas, c'est-à-dire faire ce qui a été cité précédemment dans le hadith, là que je n'ai plus en tête, il dit que tu aides les gens dans le bien et que tu fasses preuve d'un bon comportement. Et il dit, si je ne peux pas, il dit alors, tu retiens ton mal, tu préserves les gens de ton mal. Hein, tu préserves les gens de ton mal, car cela est une sadaka de toi sur ta propre personne. En faisant cela, tu fais sadaka sur ta propre personne. Donc ça, c'est le plus bas. Hein, c'est le plus bas niveau de la sadaka, c'est le fait de préserver les gens de notre mal. Chacun se retient de ne pas nuire à autrui. Ne serait-ce même que les kuffars. Ne pas être injuste envers eux également. Bien qu'on les déteste, hein, mais cependant, ils ont des droits du fait que l'injustice a été interdite sur l'ensemble de la création. Comme nous l'avons pris dans le hadith Qudsi, Ya Ibadi. Hein, comme Allah a dit Ya Ibadi en parlant à ses serviteurs. Et dedans, il dit Haram tu zulma la nafsi wa jaltuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendue interdite entre vous, alors ne vous lésez pas les uns les autres. Donc de là, dans ce hadith, on voit que même l'injustice envers les koufars est une chose qui est interdite. Ensuite, il dit, au fi hadith Aïcha, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, خلق كل إنسان على 63 مفصلة فمن كبر الله وحمد الله وحلل الله وسبح الله واستغفر الله أو عزل حجرا عن طريق الناس أو شوكا فإنه يمسي يومئذ قد زحزح نفسه عن نار جهنم. Donc comme cela est venu dans le hadith rapporté par Aïcha, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute personne, tout être, ni tout humain, a été créé sur 360, on va dire, ossements ou articulations. Donc celui qui aura fait le takbir, ou qui aura fait le tahmid, ou le tahlil, ou le tasbih, ou le stighfar, ou bien qui aura poussé une pierre de la voie des gens, du lieu de passage, ou une épine, ou tout autre obstacle, alors certes, en fin de cette journée-là, il aura préservé sa propre personne du feu. Ces actes-là amènent à ce que celui qui accomplit cela, hein, le Massa, on va dire, c'est l'après-midi et la soirée, le Massa, donc il sera arrivé en fin de journée, on va dire, et aura préservé sa personne du feu, par ces simples actions-là. Et ça revient, comme nous l'avions dit, au hadith précédent. Et là, la sadaqa voulue dans ce hadith, c'est une sadaqa recommandée et non obligatoire. Donc ce hadith incite, il y a une incitation en cela, que la personne accumule un grand nombre de sadaqa pour lui-même, comme par exemple par le bon comportement ou par les dons, faire des cadeaux, ou de préserver les gens de son mal. Et là également, dans le hadith, le shir est passé assez rapidement, comme je vous l'ai dit, du fait que ce hadith est lié au précédent. Comme dans sa parole, Tu'inu al-rajul ala dabbati, fa tahmiluhu alayha, aw tarfa'uhu alayha, mata'a sadaqa. Le fait que tu aides une personne, hein, à prendre place sur sa monture, ou lui apporter ses affaires dessus, ainsi de suite, cela est une sadaqa. Et cela rentre également aujourd'hui, comme dans les voitures ou tous les moyens de transport pris par la personne, que tu aides ton frère mais tu aides ton frère en cela, cela est une sadaqa, est un acte de bien. Que tu concilies entre deux personnes, cela est une sadaqa. Fihi al-hathu ala sulh bain al-muslimin. Qala ta'ala la khayra fi kathir min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bain an-nas. Wa man yafal dhalika ibtigha'a mardati Allah fa sawfa yu'tihi ajran 'azima. Donc il dit dans le sens qu'il n'y a pas de bien dans beaucoup de leurs entretiens secrets, hormis qui en donnerait de faire une sadaqa ou de faire du bien ou de concilier entre les gens. Et celui qui fait cela en vue de plaire à Allah, alors celui-là recevra une grande récompense. Donc là, le shir dit La khayra fihim illa man amara bi hadhihi al-mafkurat. Donc il dit les gens qui s'entretiennent secrètement entre eux, en privé, la plupart du temps, il n'y a pas de bien en eux, si ce n'est les choses citées dans le verset. C'est-à-dire le fait de faire, d'appeler à faire sadaqa, ou de faire du bien, ou à concilier entre les gens. Si vous, les gens se réunissent entre eux en privé secrètement pour cela, cela est une bonne chose, mais en dehors de cela, cela est une mauvaise chose. Se réunir secrètement n'est pas une chose louable en islam. Il y a d'autres choses qui rentrent dedans, hein, mais celles-là sont les principales. Tant même. Wa qala ta'ala, wal sulhu khayr, wa uhdilat anfusu shuh. Donc il dit, dans le sens, et la conciliation est meilleure, puisque les âmes sont portées à l'avarice. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, وَإِنْ تَعِفَتَنِ مِنْ مُؤْمِنِينِ اِكْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا لَتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيئَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Donc il dit, si jamais deux groupes de croyants s'entretuent ou se combattent, alors concilier entre deux. Et que si l'une des deux lèse l'autre, alors combattez celle qui est injuste, jusqu'à ce qu'elle se soumette à l'ordre d'Allah. Et si elle s'y tient et s'y soumet, alors conciliez entre les deux avec justesse. Et soyez équitable, car cet Allah aime les gens équitables. Et là, dans le verset, quand Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'ifatan, wa in ta'ifatan. Ta'ifa, à la base, c'est un mot qui veut dire un groupe. Mais cela aussi peut s'appliquer sur une personne. Ça veut dire que là, le verset, lui, en apparence, vise deux groupes. Mais cela peut être également entre deux frères, deux personnes, ou deux sœurs également. Dans Mabla Tambi, en ce qui concerne la conciliation, le fait de concilier entre des personnes, qu'il y a des degrés. Comme cite le verset, si l'un des deux, par exemple, pour dans une affaire dans laquelle se trouvent deux opposants de musulmans, à la base, il peut y avoir un haq. Et un ba'atil, où il peut y avoir deux ba'atil mélangés. C'est-à-dire une personne peut avoir raison et l'autre tort, ou alors peut-être même les deux ils ont tort. Mais les deux ne peuvent pas avoir raison. Il n'y a pas de vérité. D'accord ? Les deux ne peuvent pas avoir raison. Une parole citée par Cheikh Al-Othaymin, qui dit que pour toi, si jamais les choses t'apparaissent clairement, la vérité t'apparaît clairement, alors tu dois émettre un jugement basé sur la vérité. Donner raison à celui qui a raison, et donner tort à celui qui a tort. Lakin bilati ahsan. De la meilleure des façons, afin que celui qui est tort puisse revenir de ses erreurs. Et que si jamais la vérité ne t'est pas claire, tu n'arrives pas à discerner qui des deux a raison, car cela peut arriver, par exemple, une personne est très éloquente, ainsi de suite, ou il y a des troubles et des mensonges, et que la personne qui essaye de concilier n'arrive pas à discerner qui a raison, qui a tort, lors de ces moments-là, tu fais une conciliation, ce qu'on appelle un sulh. Ce qu'on appelle un sulh. Pour qu'il puisse avoir lieu déjà, il faut que les deux parties, c'est-à-dire les deux personnes opposées, soient d'accord pour que tu sois l'entremetteur entre eux. Il faut que ils soient d'accord. C'est pas tu viens, tu t'imposes comme étant un muslih, un conciliateur, et qu'ils ne veulent pas de toi. Ou que l'un des deux n'agrée pas que tu sois le muslih. Donc déjà, premièrement, il faut que tu sois agréé par les deux parties. Une première part. D'autre part, Cheikh Al-Othaymin, il dit qu'un sulh, dans le sulh, il faut que les deux parties soient prêtes à délaisser certains de leurs droits. Car un sulh ne pourra jamais se faire tant qu'une personne conteste. Par exemple, on dit qu'il a 10 points qu'il reproche et l'autre 10 points qu'il reproche. Si chacun veut les 10, il n'y aura jamais d'issue. Donc, chacun doit délaisser un petit peu de ce qu'il a. Par exemple, sur les 10, il en délaisse 3, 4 et l'autre pareil. Tout le monde met du sien Et là, on arrive à une conciliation. Mais si les gens restent bornés et veulent absolument avoir leurs droits à 100%, alors là, ça va être très dur. Ça va être très dur. Et la conciliation, en général, n'aura pas lieu. Lors d'une conciliation, on est obligé de faire des concessions. Tant que celle-ci n'amène pas à des transgressions religieuses, bien sûr, ou à délaisser des obligations religieuses. Des transgressions de maslaha pour intérêt. Des choses qui te concernent toi ou ton opposant, à délaisser certaines choses pour arriver à un résultat qui est la conciliation afin d'arriver à un khayr, afin d'arriver à un bien. Car cela est arrivé dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari, qu'il y avait un homme qui était voisin, je sais plus c'est qui le sahabi qui était le cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il y avait des torrents, des écoulements des pluies qui passaient par la maison de son proche parent, on va dire. Et ce proche parent avait un jardin. Donc lui, lorsque les écoulements d'eau venaient dans son jardin, cela pouvait aider à arroser ses plantations. Et le voisin de ce proche parent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui n'avait rien. Il n'avait pas accès à l'eau. Donc il alla se plaindre auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que un tel ne me laisse pas l'eau. Il prend l'eau pour lui tout seul. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam alla voir, se rendit auprès de son proche parent, lui dit: fais une ouverture afin qu'un peu d'eau puisse venir vers ton voisin. Chose qu'il fit. Et de là, ce deuxième homme vint se plaindre auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant que l'eau qui lui parvient ne lui suffit pas. Vous voyez, l'eau qui lui parvient ne suffit pas lui-même à arroser ses plantations. Donc de là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: j'ai fait ce que je pouvais pour qu'il t'aide. D'accord? Donc, c'est soit cela ou soit il n'y a rien. Et là, cet homme se plaint en disant: ouais, tu lui as fait ce jugement-là parce que lui, c'est ton proche parent. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se met en colère. Et qu'est-ce qu'il dit à son proche parent? Il lui dit: ferme l'eau. Ferme l'ouverture que tu as fait et prends l'eau pour toi tout seul. Et ne le donne rien à lui. Pourquoi? Car qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu faire là? Une conciliation. Car en vrai, cette eau-là était un droit à 100% de son proche parent. Un droit. L'eau passée par ses terres, donc l'eau lui appartenait. Mais là, pour concilier entre les deux, il lui a dit à l'autre de faire une faveur: fais une ouverture afin qu'un peu d'eau puisse parvenir à ton voisin. Mais celui-ci, le voisin, s'est plaint quand même. C'est-à-dire, lui, il a voulu l'eau à 100% ou à la moitié, chose qui n'était pas réalisable. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu faire un sulh, une conciliation. Donc comme celui-ci n'a pas accepté, qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a fait un hukm. Il a fait un jugement. Tu dis, donc tu ne veux pas une conciliation, donc maintenant ça va être un jugement. De droit à droit. Toi, tu n'as aucun droit dans cette eau-là, donc tu n'auras rien du tout. Voilà, si le droit légiféré, c'est qu'à la base, cette eau-là ne te revient pas. Donc de là, il s'est mis en colère, il a dit à son proche parent de fermer l'ouverture, que l'eau ne parvienne pas à son voisin. Donc tout ça pour dire que lors d'une conciliation, chacun doit mettre du sien et délaisser un petit peu de ses droits pour arriver à une conciliation et à une bonne entente entre les musulmans. Donc attention, bien différencier entre un sulh, une conciliation, et un jugement, qui est le fait de donner le droit à une personne. Et généralement, le jugement, cela se fait avec qui? Avec les gens de science, avec les juges, ou avec les savants. D'accord? Alors que le sulh, le fait de concilier, peut être fait par toute personne apte, munie de sagesse et de clairvoyance et d'équité, appréciée par les gens dans son ensemble. Donc il poursuit en disant: Aziyat al-Muslimin. Là, ça revient à la partie du hadith que lui ne cite pas, qui est Watumitu al-Azar al-Tariq. Sadaqa. Que tu enlèves les obstacles des passages, cela est une sadaqa. Il dit: Aziyat al-Muslimin mannahaha. Mannahaha al-Tariq ujir. Les hadiths, la kadaraitu rajulan yatakallabu fil jannah fi shajaratin kata'aha an dhur al-Tariq kanatu zil muslimin. Donc le fait d'enlever un obstacle des lieux de passage, cela amène à tirer une récompense. Comme le prouve le hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, que certes j'ai vu un homme dans le paradis, du fait qu'il ait enlevé un arbre qui gênait le passage et qui offensait les muslimines, qui obstruit le passage pour les muslimines. Aziyat al-Muslimin ismun mubin, qu'ala ta'ala, wal-lazina yu'zuna al-mu'minin wal-mu'minati bughil maqtasabu. Dans le sens où il dit, certes ceux qui ont offensé les croyants ainsi que les croyantes sans droit, sans qu'ils ne les méritaient, alors ont certes porté un grand péché. Et Allah وليحذرهم ليحذرهم الناس الذين يغترون بهم فهذا ما هو من الأذية. Donc il dit qu'il ne fait pas partie de la nuisance et de l'offense, hein, le fait de clarifier la vérité pour les muslimines, de leur dire la vérité par exemple sur le cas d'une personne et de les conseiller. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, et que périsse celui qui devait périr sur preuve, sur une preuve. La personne qui doit être délaissée, cela doit être prouvé. Donc, et si tu prouves le mal d'une personne en islam, cela est une chose qui est obligatoire, comme nous l'avons déjà dit dans des hadiths précédents. Donc il dit en vue d'avertir les gens, ceux qui pourraient se faire duper par cette personne-là, que cela n'est pas une nuisance et ni une offense envers les musulmans. Cela fait partie du conseil et de la bienfaisance envers eux. وَقَدْ قَالَ يُوسُفْ ibn Asbat أَنَا خَيْرٌ لِهَاؤُلَاءِ مِنْ أَبَائِهِمْ قَالُوا كَيْفَ قَالَ يُحَذِّرُ النَّاسَ أَنْ يَأْخُذُوا بِمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرِّ فَإِنَّهُمْ يَتَحَمَّلُونَ أَوْزَارَهُمْ هَذَا فِي تَرْجَمَةِ الْحَسَنِ بْنُ صَالِحٍ نُحِي فِي تَأْذِيبِ التَّأْذِيبِ. Donc il dit que Yusuf ibn Asbat, il dit que moi je suis meilleur pour ces gens, c'est-à-dire les gens qu'ils critiquent, contre qui ils mettent en garde, je suis meilleur pour eux que leur propre père. Et les gens disent, comment cela se fait? Il dit, car moi, je mets en garde les gens qui ne prennent hein, de leurs erreurs et de leur mal, car ces derniers porteront leur fardeau le jour du jugement. C'est-à-dire que le mubtadir, ou celui qui fait du mal, tous ses suiveurs, ils porteraient leur fardeau, de leur fardeau, yom al-qiyamah. Donc lui, pour, en faisant cela, en mettant en garde contre lui, il lui fait preuve de miséricorde. Du fait qu'il va alléger hein, ses suiveurs, qu'il aura moins de gens derrière lui, yom al-qiyamah, donc il aura moins de péché à transporter avec lui. Naam. Donc il dit, Ariyat al-Muslimin bil tanaji, la yatanaja ithnani dun akhar, min ajli anna dhalika yuhzinu. Wa qala ta'ala, wa la ta'awanu ala al-ismi wal-udwan, wa attaqu Allah. Fa qad ta'athara minhu al-insanu yaqul, limaza yatahaddath ma'ahu wa ana yatrukanini. Donc il dit également, parmi les choses qui portent offense aux musulmans, le fait que par exemple, trois personnes soient ensemble et que deux parlent entre eux, hein, à l'insu de l'autre, de la troisième. Trois personnes se réunissent et deux parlent entre eux et le troisième n'entend pas ce qui se passe. Il est un peu mis à l'écart. Donc cela est une chose qui lui porte offense. Hein, une chose qui lui porte offense. Pourquoi? Car lui pourrait prendre en lui et être vexé, être touché par cela en disant pourquoi ces deux-là discutent ensemble, me mettent à l'écart. Qu'est-ce que j'ai fait? Et cela cause de la tristesse. Et un hadith est venu en cela, car cela cause de la tristesse à ton frère musulman. Et cause de la tristesse à ton frère musulman sans droit, cela est interdit. Donc ensuite il dit, Hatta al-amwatu tuhassil lahum aziyatan min al-ahya, tahsulu lahu aziyatan min al-ahya. Les hadiths Bashir ibn al-Khisasiyya. Wa qad kana ismu Zahm. Fa samahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam بشيرا وسمعه قال لرجل يمشي بنعليه بين القبور يا صاحب الستتين اخلعن عليك فقد أذيته فهذا آذى الأموات بمروره بين القبور وهو متنعل فما بالك بمن يطأ عليها ويلع عليها المواشي ويوقف عليها السيارات فالمسلم ما يجوز أذيته هيا ولا ميتا وهو كريم على الله عز وجل نظر ابن عمر إلى الكعبة فقال ما أعظمك وللمؤمنين أعظم عند الله منك. Donc il dit également qu'il n'est pas permis de porter atteinte même aux morts, car cela arrive des vivants, que les vivants portent atteinte aux morts. Comme le prouve le hadith de Bashir ibn al-Khisasiyya, car son nom apparemment c'était Zahm. Son nom était Zahm, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite changea son nom et l'appela Bashir. Cela aussi est une preuve que celui qui a un prénom avec un mauvais sens, il doit changer son prénom. Il y a même d'une part, celui, par exemple, souvent des gens disent, par exemple, un tel s'appelle, un converti, par exemple, s'appelle Stéphane. Son prénom, c'est Stéphane. Ensuite, il se convertit à l'islam. Et en cherchant dans les sens, il voit que Stéphane est un prénom qui n'a pas de mauvais sens. Ou un sens inconnu, ou qui n'a rien de mal. Donc lui dit, moi j'ai gardé mon prénom Stéphane. Pourquoi? Car il dit que les Sahaba, la plupart des Sahaba n'ont pas changé leur prénom lorsqu'ils sont rentrés en islam. Donc il dit, moi aussi, je ne change pas mon prénom. On lui dit non. Car Cheikh Othaymin, par rapport à ce sujet, il parle de cela. Il dit déjà, d'une part, les Sahaba avaient des noms arabes, qui avaient un sens connu. Hein? Ils avaient des noms arabes avec un sens connu. Et l'islam est venu avec la langue arabe. Et la langue arabe est la langue des musulmans, purement. D'autre part, même un nom arabe qui aurait un mauvais sens, comme le prouve l'histoire de Bachir, son prénom doit être changé pour un meilleur prénom. Et également, Cheikh Othaymin, rahmatullah alayhi, dit que le fait de garder ton prénom Arjami, c'est-à-dire non arabe dans l'islam, cela est attaché à Bouh bil Koufar. C'est une ressemblance avec les Koufar. Tu gardes ton prénom Stéphane, Arnaud, Benoît, Julien, ainsi de suite. Vous voyez que ce prénom-là est une chose qui amène à ce que tu leur ressembles dans les prénoms. Car le fait de se nommer est une chose qui est dans la religion, fait partie de la religion. Donner un beau prénom, des hadiths sont venus sur cela, de donner des beaux prénoms aux muslimines. Donc la nomination est une chose qui fait partie des rites de l'islam, donc cela doit être basé sur les règles de l'islam. Donc le musulman prend un nom arabe qui a un bon sens. Et les plus beaux prénoms auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les noms de ta'bid, comme Abdullah, Abdurrahman, Abdulhakim, Abdulghafour, Abdurrahman, ainsi de suite, ou les noms des anbiya, comme Mohamed, hein, Ibrahim, Isa, Youssouf, ainsi de suite. Les plus beaux prénoms sont les prénoms de ta'bid ou les prénoms des anbiya, des prophètes, alim, salam. Et les prénoms sont très nombreux en islam. Donc, autant choisir un beau, un nom bien muslim, qui préserve bien ton identité de muslim, hein, et tu délaisses ces gens-là. Tu délaisses leurs habits, tu délaisses leurs coutumes, donc tu délaisses leurs prénoms. Cela va de soi. Non, ça c'est une parenthèse. Donc il dit que les morts peuvent être offensés par les vivants. Comme dans ce hadith, où il dit qu'il a vu un homme marcher entre les tombes avec ses chaussures. Et là, c'est les sandales. Le Ni'al Septia, c'est celles qui ont un peu comme les tongs. Je sais pas, vous voyez, c'est comment les tongs. C'est avec une séparation au niveau du doigt de pied. Les orteils sont à l'air libre, ainsi que tout le pied. Car Na'al, en arabe, ça peut être une sandale, ça peut être une chaussure. Na'al, c'est une chose qui se chausse et qui arrive en dessous de la cheville. Mais Septia, c'est celles qui sont comme des sandales. Comme des claquettes, un peu. Donc il lui dit, enlève tes sandales, car certes, tu nuis. Là, c'est quoi? Tu nuis aux morts. Donc le simple fait de porter des sandales au milieu des tombes, cela leur porte atteinte. Hein? Alors que dire de celui qui les piétine? Ou que dire de celui qui fait paître ses troupeaux sur ses tombes? Ou de celui qui a sa voiture sur ses tombes? Et donc, le muslim, il n'est pas permis qu'il soit vivant ou mort de le porter atteinte. Car la tombe, c'est la demeure du mort. Et le muslim est anobli auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Omar contempla la Kaaba et dit, tu es sacré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais l'honneur du muslim, il est encore plus. Hein, l'honneur du muslim est encore plus sacré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que celui de la Kaaba. Non. Donc là-dessus, le shir achève son char, l'explication de ce hadith. Donc nous l'avons dit que ce hadith rejoint le précédent dans le fait des sadaqas. Et que là, chaque jour, les membres du corps, les articulations, les os, les ossements, ont des sadaqas à faire. Non. Et également, le fait de bien parler, de dire de bonnes paroles aux gens, c'est une sadaqa. Le fait de conseiller entre les gens, c'est une sadaqa. Le fait d'aider les personnes à prendre place dans leur monture, dans leur moyen de transport, ou à porter leurs affaires, c'est une sadaqa. Hein? Et tous les pas que tu feras pour aller à salawat, pour aller au masjid, c'est une sadaqa. Et même les pas que tu fais pour la salat, pour aller au masjid, c'est une sadaqa également. Et comme cela est venu dans d'autres hadiths, cela t'élève en degré, chaque fois que tu fais t'élève en degré, et également cela t'efface des péchés. Et cela est propre pour l'homme, car la meilleure salat pour la femme est à la maison. Bon, faut pas que les sœurs se disent, bah moi aussi je veux cette récompense-là, et je veux aussi aller au masjid tout le temps. Elle a le droit d'aller de temps en temps, avec la permission de son mari, et si elle est bien habillée, cependant, les salats obligatoires en jama'a sont obligatoires pour les hommes, pas pour les femmes. « Wa khaylo salat il mar'a fi baytiha » Et la meilleure salat pour la femme est dans sa maison. Donc celle qui est sincère, qui veut vraiment avoir une bonne récompense, elle fait chez elle. Non. Ensuite, le hadith, le 27e hadith, qui est apporté par l'imam muslim, où il dit « Haddathani Muhammad ibn Hatim, nous Maymoun, Haddathana ibn Mehdi, an Muawiya, nous Salih, an Abi Abdurrahman, nous Jubayr, nous Nufayr, an Abihi, an Nawas, نسمعان الأنصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. طيب يا جمال الدوزيام حديث que le chien lui n'a pas mis dans son matin, dans son charh, qu'il dit عن واصبا بن معباد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال فاستفتك البك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إلى القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك رواه أحمد. طيب donc le premier hadith, ils sont deux ensemble, ils sont dans le même sens. Le premier, celui qui est rapporté par Nawas ibn Sim'an, qu'il dit que j'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du bir. Bir, ce serait l'obéissance, la vertu. Et l'ism, ce serait le contraire, désobéissance, péché. Il dit, donc le bir, c'est le bon comportement. Et le ism, c'est-à-dire le péché, c'est ce qui amène, tourne dans ta poitrine, chose c'est-à-dire qui te perturbe en toi, dont tu détesterais que les gens prennent connaissance. Dont tu détesterais, tu n'aimerais pas que les gens aient connaissance. Ça, c'est le premier hadith. Le deuxième, qui est apporté par Wasiba, il dit, je me rendis auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et je lui dis, ou plutôt lui, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, tu es venu en vue d'interroger sur le bir, sur l'obéissance. Je dis, oui. Il dit, alors demande à ton cœur, consulte ton cœur. Al-bir, l'obéissance, c'est ce sur quoi l'âme s'apaise, ainsi que le cœur. Et le péché, c'est ce qui te rend anxieux, hein, et quoi que les gens t'émettent comme fatawa. Quels que soient les fatawa qu'on t'émette, hein, cela causera quand même une perturbation, une anxiété dans ta poitrine. Donc le chien, lui, voit par rapport à ce deuxième hadith, il n'y a pas que lui, qu'il est de voir si bas, qu'il est da'if, car il y a des coupures dans sa chaîne de transmission, et que dans une autre voie qu'il a, il y a majhoul, qui est Abdullah, Abu Abdillah al-Sulaymi. C'est un majhoul, un inconnu. On ne sait pas qui il est, on ne connaît pas sa situation. Et d'autres versions sont venues, hein, d'autres versions sont venues de ce hadith, et toutes ont des choses à dire. Cependant, le sens du hadith est correct, car il est appuyé par le précédent, qui lui est authentique. Donc, le sens peut être pris comme istidlal. Nous l'avions dit au début du matn, Al-Arba'in Nawawi, il n'y a rien qui soit à délaisser dans son intégrité, dans sa totalité. Tous les hadiths peuvent être pris comme preuve dans un sujet. Car même s'ils ne sont pas authentiques en eux-mêmes, ils seront authentiques par d'autres hadiths qui les soutiendront dans leur sens, qui les appuieront dans leur sens. Naam. Donc il dit, قولهو البر حسن الخلق, que l'obéissance c'est le bon comportement. Naam, البر حسن الخلق. وحسن الخلق قد يكون في العبارة وقد يكون في المعاملة وقد يكون في غير ذلك وهو أعم من أن يكون في الكلام فقط. قال تعالى عن نبيه وإنك لا خلوق عظيم. Donc il dit, en effet, que le bir, c'est le bon comportement. Et le bon comportement peut être dans le parler, peut être dans les échanges, et peut être dans autre que cela. Hein? Que cela est plus général que le fait qu'il soit juste dans le parler. Allah subhanahu wa ta'ala dit de son messager, tu es certes sur un grand comportement, c'est-à-dire de bonnes vertus. Hein, tu es de vertus énormes. Il y avait également, quand il dit, Al-Bir Hasan al-Khuluq, c'est pour dire qu'en fait, le pilier, hein, de la vertu, c'est le bon comportement. C'est comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-Hajj Arafat. Le Hajj, c'est Arafat. Non pas que le Arafat, c'est tout le Hajj entier, cependant, c'est l'un de ses piliers, le principal. Ou comme lorsqu'on dit, Al-Dua, ou l'ibada, que l'invocation, c'est l'adoration. Bien qu'on sait que l'adoration, c'est un mot large qui va plus loin que l'invocation, que le doa. Cependant, l'invocation est l'une des principales adorations. Une base. Donc là, c'est pareil. Al-biru husnul khuluq. Husnul khuluq, qui est le bon comportement, c'est le pilier principal de la vertu et de l'obéissance. Non. Mais le sens du bir peut être plus large que cela. Bien plus large que cela. Le chien va citer des exemples, Inch'Allah. قال هذا عام فالمشركون إن حسنوا أخلاقهم ولكن خلقهم سيء من حيث أنهم أساءوا في عبارتهم لله عز وجل فهو أعم من اللفظ والتعامل بين الإنسان وآخر. قال تعالى ليس البير أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البير من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Donc il dit, cela est général. Al-bir, le fait de dire Husnul Khuluq, le bon comportement, cela est général. Car les mushrikoun, des fois, peuvent faire preuve d'un bon comportement envers les gens. Cela est connu, on le voit souvent dans les pays de Kouf, dans les magasins et tout, quand tu rentres, tu vois les vendeurs, ils se comportent bien avec toi, ils sont aimables, ils sont polis, ils te sourient, ainsi de suite. Hein? Cependant, leur khuluq, leur comportement envers le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien du tout. Hein? Ils ne font preuve d'aucune justice envers l'adoration qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela démontre que quoi, ce khuluq va plus loin que le comportement, que les échanges ou que le parler. Et cela va me dire que le khuluq est de deux catégories, celui envers Allah subhanahu wa ta'ala et celui envers la création. À la fin de Shia, c'était Inch'Allah. Ensuite, il cita la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens où il dit que le bir, la vertu, ce n'est pas le fait de tourner le visage vers le levant ou le couchant. Cependant, l'obéissance, la vertu, c'est de croire en Allah au jour dernier et en ses anges et en son livre et aux prophètes, hein, et de donner l'argent par amour pour les proches, pour les orphelins, pour les pauvres, pour les voyageurs et pour les mendiants, ceux qui demandent. Et de délivrer les esclaves et d'accomplir la salat et de s'acquitter de la zakat. Hein, également de ceux qui tiennent leurs engagements et ceux qui patientent sur les difficultés. Et ceux-là sont ceux qui ont été véridiques, et ceux-là sont les pieux. Donc il dit, « وَفِي حَقَّ الْوَالِدَيْنِ طَيَبْ أَقْدَمُ لِحَدِيثِ مَنَ حَقَّ النَّاسُ بِبِرِّ قَالْ أُمُّكْ ثُمَّ أُمُّكْ ثُمَّ أُمُّكْ » Donc il dit également, les plus grands, ceux qui sont plus en droit d'avoir cette obéissance, ce bir, cette vertu, ce sont les parents. Comme le prouve le hadith, lorsque le sahabi demanda au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est plus en droit de recevoir mon obéissance, c'est-à-dire dans la création. Il dit, ta mère, ensuite ta mère, et ensuite ta mère. Et la quatrième fois, ce fut son père. Et vous savez tous que, quels sont les droits immenses que les parents ont en islam. Et souvent, ce droit est lié au tawhid. Dans le Coran, très souvent dans les versets, le droit des parents, hein, suit le tawhid. Les versets relatifs au tawhid. وهكذا يكون في الحج لحديث الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه également le bir a lieu dans le hajj comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui a compris un hajj en toute obéissance aura comme rétribution le paradis, hein, sa rétribution sera le paradis. Et également un hajj mabrour, c'est le hajj quand il est bien accompli, lorsque celui qui l'accomplit revient, hein, et comme l'enfant qui sort du ventre de sa mère. Comme dit le hadith, celui qui a fait le hajj mabrour, raja'a ka lazi kharaja min batn ummi, qu'il revient comme celui qui vient de sortir du ventre de sa mère, c'est-à-dire pas un seul péché. Mais bishart, à condition que ce soit un hajj mabrour, avec obéissance, sans acte de perversion, sans désobéissance, sans transgression. Et basé sur des actes, par exemple, celui qui fait un hajj avec de l'argent volé, de l'argent haram, son hajj, inshallah, sera accepté, mais il ne reviendra pas comme celui qui vient de naître. Il n'aura pas ce mérite. Ensuite, il dit « وَاكَذَا يَكُونُ فِي صَدَقَةٍ إِذَا كَانَتْ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرِدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ وَدِّيَتْ عَلَى وَجْهِ الْمَطْلُوبِ فِي مَوْدِعِهَا » Donc, il dit également une sadaqa. Une sadaqa. Lorsqu'elle est faite pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle est visée par là, c'est-à-dire elle est faite avec sincérité et qu'elle est mise, hein, de façon légiférée. Et qu'elle est rendue à son revenant droit. Qu'elle est rendue à son revenant droit. Alors celle-là fait partie du bir. وسائل الأعمال لا تكون به إلا إذا وافقت الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. Et également parmi le bir, c'est toutes les autres actions, en condition que celle-ci soit basée sur la sincérité et sur le suivi de l'enseignement prophétique. Tout cela rentre dans le bir également. وَحُسْنُ الْخُلُقِ لَا شَكَّ أَنَّهُ مِنَ الْبِرِّ. Et que le bon comportement, il ne fait aucun doute que cela fait partie de l'obéissance, le bir. وَلَيْسَ وَكُلُ الْبِرِّ إلا إذا كان على معنى الذي ذكر فيما إذا كان معاملته فيما بينه وبين بين الله. طيب فيما بينه وبين الله في عبادة الله. Donc il dit, mais cependant le husn al-khuluq ne contient pas tout le bir. Toute obéissance, comme nous l'avons dit précédemment, n'est pas basée que sur le bon comportement. Il n'y a pas d'autre chose à voir. Car nous avons dit que les mushrikoun, les kuffars, eux aussi peuvent faire preuve d'un bon comportement. On ne peut pas nier cela. Non. Cependant, c'est là que va venir la chose, que le bir, le bon comportement, il y a celui qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui revient à la création. D'accord ? Qui revient à la création. Par exemple, des gens peuvent vous dire que, mathalan, un tel est salafi sur la sunna en apparence, et un tel, c'est une personne qui est rasée par exemple, ou habillée en pantalon, en costard. Ils vont dire, le salafi par exemple, il est dur. Souvent, on l'entend souvent, le salafi il est dur. Qu'est-ce qu'il veut dire par dur ? Allahu a'lam. Est-ce qu'il veut dire que lui, il t'appelle à combattre ton ego et à faire des actes obligatoires qui sont lourds pour toi ? Là, c'est pas de la dureté. Mais là, s'il y a un frère salafi vraiment dur et qui fait preuve de bon comportement, cela, en faisant cela, il ne porte que son fardeau à lui. Il ne représente pas toute la salafia par ce comportement-là. Non. De l'autre côté, l'autre, qui est rasé par exemple et habillé en pantalon ou ainsi de suite, lui, tu le vois, il est doux, gentil, agréable, souriant. Donc les gens vont dire, regarde celui-là, il est de meilleur comportement que le salafi. On dira, attention, attention aux expressions employées. Car la première base du bon comportement, c'est de revenir, c'est de donner à Allah son droit, en appliquant les actes obligatoires. Donc celui qui se rase, lui, Mathalène, n'aura pas rendu Allah son droit du fait qu'il aura obéi pleinement. Donc faire attention à ce genre d'expression en disant que Satan Awam, Satan Kada, Kada, Kada sont de meilleurs comportements que les gens de la Sunna, que les Salafis. Si tu vises le fait des échanges entre les gens, c'est possible. Mais si tu vises le sens de base qui est le fait de rendre Allah son droit, cela n'est pas vrai. Le désobéissant, celui qui fait des péchés apparents ou quoi, n'aura pas rendu Allah son droit. Hein? Donc cela n'est pas un bon comportement, contrairement à ce qu'on pourrait dire. Car comme nous l'avons dit, les koufars également, alors dans ce sens-là, ont un bon comportement. Et même de chez cela, on entend chez les muslims qui disent que les koufars sont de meilleurs comportements que les muslimines. On entend beaucoup cela. Les koufars, ils font cela pour la dunya. Ils font cela pour t'attirer vers eux. Mais sinon, en réalité, dans leur intimité ou avec toi, lorsqu'ils n'ont pas l'intérêt, ce sont les pires des créatures. Vous voyez, ce sont en général les pires des créatures. Non. Et si un musulman a des manquements dans ce comportement, cela ne revient qu'à lui. Cela n'est pas une chose qu'il a été enseigné, inculqué par l'islam. Donc les mu'amalat, comme nous l'avons dit, c'est le khuluq, est de deux catégories. Celui qui revient à Allah, et qui est le principal, et qui est le véritable, et celui qui est envers les gens, comme avec les parents, comme avec les voisins, comme avec les frères, comme avec la famille, ainsi de suite. Non. Et dans la partie finale du hadith, que le ism, mayahaka fi sadrika, que là le chien n'a pas parlé, il n'en a pas parlé dans son explication. C'est le péché, c'est ce qui est dans ta poitrine. C'est-à-dire quand tu vas faire une chose, tu ne te sens pas bien, tu ne la sens pas la chose. Cela revient à quoi ? Au hadith qu'on a pris au début, de Norman de Bashir, « Inna al-halal bayyen wal-haram bayyen. Wa baynahuma umur mujtabihat la yarifuhunna kathirun minan nas. » Que ce qui est halal est clair, et ce qui est haram est clair, entre les deux, des choses ambiguës et équivoques. Donc le péché, des fois, tu vas faire une chose, et dans ta poitrine, cette chose-là ne t'apaise pas, tu ne le sens pas. Donc celui-là, en général, la base, c'est une chose qui n'est pas permise, souvent. Car la fitra est amenée à tirer vers les bonnes choses et les mauvaises choses. De là, les savants ont divisé cela en trois catégories, pour dire que cette parole-là n'est pas dans l'absolu. Car des fois, il y a des choses qui font partie de la sunna, qui font partie de l'islam, dont tu es ignorant. Lorsqu'on te l'apprend, tu es perplexe, tu hésites. Tu ne veux pas le faire. Là, à ce moment-là, ce sentiment-là que tu ressens dans ta poitrine n'est pas à prendre en compte. Car il s'oppose aux preuves. Il s'oppose aux preuves et des hadiles sont venus là-dessus. Donc la première perplexité, confusion, peut être due à quoi ? À l'ignorance. Hein ? D'un jugement légiféré ou d'une sunna. Et cela est arrivé, par exemple, comme cela fut rapporté chez l'imam muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à des gens de rompre alors qu'ils étaient en voyage. Et certains d'entre eux, vous voyez, restèrent perplexes face à cet ordre et n'ont pas rompu. Car la base chez eux, c'est que lorsque tu jeûnes, tu romps au coucher du soleil. Donc là, ils n'ont pas obéi. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ulaika al-usa, ulaika al-usa. Ceux-là sont les désobéissants. Ceux-là sont les désobéissants. Donc là, ils n'ont pas agi. Pourquoi ? hein, leur, on va dire leur, le délaissement de cette rupture a été dû à quoi? Dû à une ignorance, alors qu'il y avait un ordre légiféré. Donc si demain, quelqu'un te dit de rompre alors que tu es en voyage, tu n'as pas à rester perplexe s'il te donne une preuve que tu peux le faire. Ou comme le fait par exemple de raccourcir les salawat en voyage. Ça c'est d'une part. D'autre part, une chose qui peut te laisser perplexe, c'est que tu demandes un sujet, poses une question à un savant, et qu'il y a une divergence, une vraie divergence considérée sur la question. Donc là, le savant te donne un avis, celui que lui voit. Mais toi tu es perplexe, tu n'es pas convaincu. Car tu sais qu'il y a d'autres avis qui s'opposent à cela, et les preuves pour toi sont assez confuses. Tu n'arrives pas à discerner le vrai du faux. Donc là, dans ta poitrine, il y aura une certaine confusion, anxiété. Tu ne sauras pas quoi choisir. Et le troisième, c'est celui sur lequel s'applique le hadith. Qu'on te parle d'une chose, hein, par exemple, tu vas demander à un savant une chose, et qu'il te donne une fatwa, mais que la fatwa, tu vois qu'elle elle n'est pas adéquate à la situation. Tu ne te sens pas rassuré de ce que ce savant a dit. Sans pour autant lui porter atteinte à lui, à son rang, son honneur, car le savant n'est pas infaillible, mais tu as fait une fatwa, et tu te dis peut-être qu'il n'a pas bien compris, ou peut-être que telle chose, il ne sait pas, ainsi de suite, et la fatwa, tu n'as pas trop envie de l'appliquer. D'accord? Tu sens que cela ne va pas t'amener à commettre un acte de bien, donc là, le meilleur, c'est de délaisser. Non, le meilleur est de délaisser, car les savants ne sont pas infaillibles. Et même des fois, des savants, sur les choses qui vont te mettre comme fatwa, ils n'auront pas de dalil, hein, ils vont te faire un ijtihad d'eux-mêmes et contredire des preuves claires qui peut-être ne leur sont pas parvenues ou peut-être qu'ils les connaissent, mais le savant lui-même n'est pas une personne qui est à la jadda, sur la droiture comme il faut. Il a du tamir, il a soit du laxisme et du laisser aller. Il en a. Et cela n'empêche pas qu'il soit un savant, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de connaissances, mais les savants ne sont pas tous de même niveau. Ils ne sont pas tous de même niveau. Et même qu'à le mot savant en soi, pour voir qui, hein, sur qui il s'applique, car même chez les Bani Israël, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il y avait des savants chez eux. Et même parmi ceux qui ont mécru, il y avait des savants. Donc le mot savant n'est pas forcément une éloge en soi. Le savant, c'est un descriptif. Après, tu as les savants Rabbaniyin, c'est ceux qui appliquent ce qu'ils ont appris, ou ceux qui ont commencé par les petites sciences pour arriver aux grandes sciences, et ceux qui ont appris et ensuite ont renseigné. C'est pas tout savant qui est Rabbani. Il faut bien le savoir. Tel c'est un alim, c'est-à-dire que forcément c'est une référence pour toi. Et que quoi qu'il dise, il a raison. Quoi qu'il fasse, ce qu'il fait, c'est bien. Attention, parce que des gens, ils voient ça. Tout ce qui est savant, khalas, on ne peut rien dire sur lui, il est irréprochable. Non, les savants diffèrent de différents statuts. Non. Donc comme cela pour dire que ce que tu ressens en toi, dans ta poitrine, tu vois que tu n'es pas apaisé, cela démontre qu'il y a peut-être un mal. Là-bas, c'est qu'il y a un mal. Mais attention, ce n'est pas à prendre dans l'absolu. Car des fois, ça peut être de l'ignorance de ta part. Tu ne connais pas un sujet. Mais comme on a dit dans des hadiths précédents, comme le hadith du Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Dar ma'aribouk, il est ma'aribouk. Délaisse ce qui te laisse anxieux, pour ce quoi tu es sûr. Non. Donc de là s'achève l'explication de ces deux hadiths. Walhamdulillah rabbil alamin.